Exercice 2. Qu'est-ce que tu regardes ? 1. Qu'est-ce qu'on achète ? 2. Qu'est-ce qu'il mange ? 3. Qu'est-ce qu'elle écoute ? 4. Qu'est-ce que vous préparez ? 5. Qu'est-ce que tu dis ?